qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à toujours, son bras ne se retire pas. L'Éternel est autour de son peuple comme une muraille éternelle. Il ne laissera pas le sceptre de la méchanceté reposer sur le sort des justes, afin que les